Chapitre 158e, à bord. Dès ce moment, la maison d'André fut silencieuse et morne comme un tombeau. La nouvelle de la mort de son fils eût tué André peut-être. C'était une de ces douleurs sourdes, lentes, qui minent perpétuellement. La lettre de Gilbert fut un coup si violent qu'il surexcita dans l'âme généreuse d'André tout ce qu'il restait de force et de sentiments offensifs. Revenue à elle, elle chercha des yeux son frère, et la colère qu'elle eut dans ses yeux fut une nouvelle source de courage pour elle-même. Elle attendit que ses forces fussent revenues assez complètes pour que sa voix ne tremblât plus, et alors, prenant la main de Philippe, « Mon ami, dit-elle, vous me parliez ce matin du monastère de Saint-Denis, où Madame la Dauphine m'a fait accorder une cellule. Oui, André. Vous m'y conduirez, aujourd'hui même, s'il vous plaît. Merci, ma sœur. Vous, docteur, reprit André, pour tant de bonté, de dévouement, de charité, un remerciement serait une stérile récompense. Votre récompense à vous, docteur, ne peut se trouver sur la terre. » Elle vint à lui et l'embrassa. « Ce petit médaillon, dit-elle, renferme mon portrait que ma mère fit faire quand j'avais 2 ans. Il doit ressembler à mon fils. Gardez-le, docteur, pour qu'il vous parle quelquefois de l'enfant que vous avez mis au jour et de la mère que vous avez sauvée par vos soins. » Cela dit, sans s'attendrir à elle-même, André acheva ses préparatifs de voyage. Et le soir, à 6 heures, elle franchissait, sans oser lever la tête, le guichet du parloir de Saint-Denis, aux grilles duquel Philippe, incapable de maîtriser son émotion, disait lui-même un adieu peut-être éternel. Tout à coup, la force abandonna la pauvre André. Elle revint à son frère en courant, les bras ouverts. Lui aussi tendait ses bras vers elle. Ils se rencontrèrent, malgré le froid obstacle de la grille, et sur leurs joues brûlantes, leurs larmes se confondirent. « Adieu, adieu !» murmura André, dont la douleur éclata en sanglots. « Adieu !» répondit Philippe, étouffant son désespoir. « Si tu retrouves jamais mon fils, dit André tout bas, ne permets pas que je meure sans l'avoir embrassé. Sois tranquille. Adieu, adieu !» André s'arracha des bras de son frère, et soutenue par une sœur converse, elle s'avança, le regardant toujours, dans l'ombre profonde du monastère. Dès qu'il put la voir, il lui fit signe de la tête, puis avec son mouchoir qu'il agitait. Enfin, il recueillit un dernier adieu qu'elle lui lança du fond de la route obscure. Alors, une porte de fer tomba entre eux, avec un bruit lugubre, et ce fut tout. Philippe prit la poste à Saint-Denis même. Son porte-manteau en croupe, il courut toute la nuit, tout le jour suivant, et arriva au Havre à la nuit de ce lendemain. Il coucha dans la première hôtellerie qui se trouva sur son passage, et le lendemain, au point du jour, il s'informait sur le port des départs les plus prochains pour l'Amérique. Il lui fut répondu que le brick Ladonis s'appareillait le jour même pour New York. Philippe alla trouver le capitaine, qui terminait ses derniers préparatifs, se fit admettre comme passager en payant le prix de la traversée. Puis, ayant écrit une dernière fois à Madame la Dauphine pour lui témoigner de son dévouement respectueux et de sa reconnaissance, il envoya ses bagages dans sa chambre à bord et s'embarqua lui-même à l'heure de la marée. 4 heures sonnaient à la tour de François Ier quand Ladonis sortit du chenal avec ses huniers et sa misaine. La mer était d'un bleu sombre, le ciel rouge à l'horizon. Philippe, accoudé sur le bastingage, après avoir salué les rares passagers, ses compagnons de voyage, regardait les côtes de France qui s'embrumaient de fumée violette, à mesure que, prenant plus de toile, le brick cinglait plus rapidement à droite, dépassant la Hève et gagnant la pleine mer. Bientôt, Côte de France, passagers, océan, Philippe ne vit plus rien. La nuit sombre avait tout enseveli dans ses grandes ailes. Et Philippe alla s'enfermer dans le petit lit de sa chambre pour lire la copie de la lettre qu'il avait envoyée à la Dauphine et qui pouvait passer pour une prière adressée au Créateur aussi bien que pour un adieu adressé aux créatures. « Madame, avait-il écrit, un homme sans espoir et sans soutien s'éloigne de vous avec le regret d'avoir si peu fait pour votre majesté future. Cet homme s'en va dans les tempêtes et les orages de la mer, tandis que vous restez dans les périls et les tourments du gouvernement. Jeune, belle, adorée, entourée d'amis respectueux et de serviteurs idolâtres, vous oublierez celui que votre royale main avait daigné soulever au-dessus de la foule. Moi, je ne vous oublierai jamais. Moi, je vais aller dans un nouveau monde. Étudiez les moyens de vous servir plus efficacement sur votre trône. Je vous lègue ma sœur, pauvre fleur abandonnée, qu'il n'y aura plus d'autre soleil que votre regard. Daignez parfois l'abaisser jusqu'à elle, et du sein de votre joie, de votre toute-puissance, dans le concert des vœux unanimes, comptez, je vous en conjure, sur la bénédiction d'un exilé que vous n'entendrez pas et qui peut-être ne vous verra plus. » À la fin de cette lecture, le cœur de Philippe se serra. Le bruit mélancolique du vaisseau gémissant, l'éclat des vagues qui venaient se briser en jaillissant contre le hublot, composait un ensemble qui eût attristé des imaginations plus riantes. La nuit se passa longue et douloureuse pour le jeune homme. Une visite que lui rendit au matin le capitaine ne le remit pas dans une situation d'esprit plus satisfaisante. Cet officier lui déclara que la plupart des passagers craignaient la mer et demeuraient dans leur chambre, que la traversée promettait d'être courte mais pénible à cause de la violence du vent. Philippe prit alors l'habitude de dîner avec le capitaine, de se faire servir à déjeuner dans sa chambre, et ne se sentant pas lui-même très endurci contre les incommodités de la mer, il prit l'habitude de passer quelques heures sur le tillac, couché dans son grand manteau d'officier. Le reste du temps, il l'employait à se faire un plan de conduite pour l'avenir et à soutenir son esprit par de solides lectures. Quelquefois, il rencontrait les passagers, ses compagnons. C'étaient deux dames qui allaient recueillir un héritage dans le nord de l'Amérique et quatre hommes, dont l'un, déjà vieux, avait deux fils avec lui. Tels étaient les passagers des premières chambres. De l'autre côté, Philippe aperçut une fois quelques hommes de tournure et de mise plus commune. Il ne trouva rien là qui occupa son attention. À mesure que l'habitude diminuait les souffrances, Philippe reprenait de la sérénité comme le ciel. Quelques beaux jours, purs et exempts d'orage, annoncèrent aux passagers l'approche des latitudes tempérées. Alors on demeura plus longtemps sur le pont. Alors, même pendant la nuit, Philippe, qui s'était fait une loi de ne communiquer avec personne et qui avait caché, même au capitaine, son nom, pour n'avoir de conversation sur aucun des sujets qu'il redoutait d'aborder, Philippe entendait de sa chambre des pas au-dessus de sa tête. Il entendait même la voix du capitaine se promenant sans doute avec quelques passagers. C'était une raison pour lui de ne pas monter. Il ouvrait alors son hublot pour aspirer un peu de fraîcheur et attendait le lendemain. Une seule fois, la nuit, n'entendant ni colloque ni promenade, il monta sur le pont. La nuit était tiède, le ciel couvert, et derrière le vaisseau, dans le sillage, on voyait sourdre du milieu des tourbillons des milliers de grains phosphorescents. Cette nuit avait paru sans doute trop noire et trop orageuse aux passagers, car Philippe n'en vit aucun sur la dunette. Seulement à l'avant, sur la proue, penché sur le mât de Beaupré, dormait ou rêvait une figure noire, que Philippe distingua péniblement dans l'ombre, quelques passagers de la seconde chambre sans doute, quelques pauvres exilés, qui regardaient en avant, désirant le port de l'Amérique, tandis que Philippe regrettait le port de France. Philippe regarda longtemps ce voyageur immobile dans sa contemplation, puis le froid du matin le saisit, il se préparait à rentrer dans sa cabine. Cependant le passager de l'avant observait aussi le ciel qui commençait à blanchir. Philippe entendit le capitaine s'approcher, il se retourna. « Vous prenez le frais, capitaine, » dit-il. « Monsieur, je me lève. Vous avez été devancé par vos passagers, comme vous voyez. » « Par vous ? Mais les officiers sont matineux, comme les marins. » « Oh, non seulement par moi, » dit Philippe. « Voyez là-bas cet homme qui rêve si profondément. C'est un de vos passagers aussi, n'est-ce pas ?» Le capitaine regarda et parut surpris. « Qui est cet homme ?» demanda Philippe. « Un marchand. » dit le capitaine avec embarras. « Qui court après la fortune ?» murmura Philippe. « Ce brick va trop lentement pour lui. » Le capitaine, au lieu de répondre, alla tout à l'avant trouver ce passager, auquel il dit quelques mots, et Philippe le vit disparaître dans l'entrepont. « Vous avez troublé son rêve, » dit Philippe au capitaine, quand ce dernier lui rejoint. « Il ne me gênait pas, pourtant. »« Non, monsieur, je l'avertis que le froid du matin est dangereux dans ces parages. » « Les passagers de seconde classe n'ont pas comme vous de bons manteaux. »« Où sommes-nous, capitaine ?»« Monsieur, nous verrons demain les Açores, à l'une desquelles nous ferons un peu d'eau fraîche, car il fait bien chaud. »